fête aux fêtes, pour à la messe, à cet au mur que tu me trouveras. C'est à la messe ou au fête, c'est à Lourdes ou à la Mecque, c'est au temple que tu me suivras. Se lance les fers de lance de la foi. C'est à la messe au vêpre, c'est au vêpre à la messe, c'est au mur que tu me trouveras. C'est à la messe ou au vêpre, c'est à Lourdes ou à la Mecque, c'est au temple que tu me suivras. Que la lumière soit. L'âme éphémère dénature l'envie d'un autre temps. C'est à la messe au vêpre, c'est au vêpre à la messe, c'est au mur que tu me trouveras. C'est à la messe au vêpre, c'est à Lourdes ou à la Mecque, c'est au temple que tu me suivras.